Pierre le Cruel par Alexandre Dumas. Chapitre 1er. Vers la fin de l'année 1356, par une chaude soirée du mois de septembre, un de ces orages, comme peuvent seuls s'en faire une idée ceux qui ont habité les pays méridionaux, éclatait sur Séville et ses environs. Le ciel n'était qu'une nappe de flammes que le tonnerre grondant parcourait d'une extrémité à l'autre, et cependant, des torrents de pluie semblaient tomber, au lieu de lave, de ce volcan renversé. De temps en temps, un sillon de feu se détachait de ce vaste cratère, parcourait rapidement la distance et s'enroulait comme un serpent à la cime de quelque sapin. L'arbre prenait feu comme un phare gigantesque, illuminait un instant le précipice sur lequel il avait poussé, puis, s'éteignant bientôt, laissait le cercle qu'il avait éclairé dans une obscurité rendue plus profonde encore, par l'absence de la lumière accidentelle qu'il avait un instant tirée de sa nuit. C'était par ce temps qui semblait l'annonce d'un nouveau déluge que deux chasseurs, séparés de leur suite, descendaient, entraînant par la bride leurs chevaux qui n'avaient plus la force de les porter, par une espèce de chemin pierreux, lequel, pour l'heure, servait de lit à un des mille torrents qui se précipitaient du versant méridional d'une des montagnes de la Sierra Moreno, dans la vallée au fond de laquelle roule le Guadalquivir. De temps en temps, ces voyageurs, qui marchaient en silence comme font des hommes perdus, s'arrêtaient, écoutant s'ils n'entendraient pas d'autre bruit que celui du tonnerre. Mais tous semblaient faire silence sur la terre pour écouter la grande voix qui parlait au ciel. Enfin, dans un moment où la foudre, comme lassée, se reposait un instant, le moins âgé des deux chasseurs, qui était un grand jeune homme de 22 à 24 ans, aux longs cheveux blonds, au teint blanc comme celui d'un homme du Nord, au trait régulier et à l'air noble et majestueux, porta sa bouche un corps d'ivoire et en tira des sons si aigus et si prolongés qu'au milieu de cette tempête et de ce chaos, ils durent sembler à ceux qui les entendirent un appel de l'ange du jugement dernier. C'était la troisième ou quatrième fois que le chasseur égaré avait recours à ce moyen sans qu'il amenât aucun résultat. Cette fois, il fut plus heureux, car au bout d'un instant, les accents d'un corps montagnard répondirent aux siens, mais si faible et si éloigné, que les deux chasseurs doutèrent un instant si ce n'était pas quelque moquerie de l'écho. Le jeune homme porta donc une seconde fois le corps à ses lèvres et en sonna de nouveau avec une force accrue par l'espérance. Et cette fois, il ne conserva aucun doute, car les sons qui lui répondirent, se graduant sur les siens, lui arrivèrent assez distants pour qu'il reconnût la direction de laquelle il venait. Aussitôt, le jeune homme aux cheveux blonds jeta la bride de son cheval aux mains de son compagnon, monta sur l'une des éminences qui bordaient le chemin creux, et plongeant ses regards dans la vallée que de temps en temps un éclair illuminait jusque dans ses profondeurs, il aperçut, à une demi-lieue à peu près, au flanc de la montagne opposée à celle qu'il suivait, un grand feu brûlant sur la pointe d'un rocher. Un instant il douta s'il avait été allumé par la main des hommes ou par celle de Dieu. Mais, ayant donné du corps une troisième fois avec une nouvelle force, les sons qui lui répondirent lui semblèrent si directement partis du même lieu où brillait la flamme qu'il n'hésita pas un instant à redescendre dans le ravin où l'attendait son compagnon et à marcher avec lui droit de ce côté. En effet, après une heure de marche au milieu des sinuosités de ce sentier, non sans avoir de temps en temps renouvelé leur appel, qui chaque fois leur apportait une réponse plus rapprochée, les voyageurs arrivèrent au bas de la montagne et virent directement de l'autre côté le feu qui leur avait servi de phare, éclairant une petite maison qui semblait une ferme. Mais entre eux et cette maison roulait, torrentueux et menaçant, le Guadalquivir. « Que Santiago nous protège !» s'écria à cette vue le plus jeune des deux chasseurs. « Car j'ai bien peur, Fernand, que nous n'ayons fait un chemin inutile et que ce qui nous reste à faire maintenant ne soit de chercher quelques trous où passer la nuit. » « Et pourquoi cela, monseigneur ?» répondit celui auquel il s'adressait. « Parce qu'il n'y a guère que Caron qui se hasarde à naviguer à cette heure sur ce fleuve infernal, que les poètes ont appelé Guadalquivir, et qu'ils auraient mieux fait de nommer l'Achéron. « Peut-être que vous vous trompez, sire. Nous sommes assez près maintenant de cette maison pour qu'on entende notre voix, et sans doute qu'en promettant à ceux qui l'habitent une grande récompense et en disant qui vous êtes, par les blanches mains de Maria, » s'écria Don Pedro. Car le grand jeune homme blond était le roi de Castille lui-même. « Garde-t'en bien, Fernand. Il pourrait se trouver là quelques partisans de mes bâtards de frères pour me donner l'hospitalité de la tombe et doubler la récompense que je leur ai offerte avec le prix de mon sang. Non, non, Fernand, sur ton âme, pas un mot de mon rang ni de ma fortune. » Cela suffit, sire, répondit Fernand, s'inclinant en signe d'obéissance et de respect. D'autant plus que ce serait inutile, s'écria Don Pedro, car Dieu me pardonne, voilà une barque qui se détache du rivage. Votre Altesse voit bien qu'elle juge mal les hommes. C'est que je les juge par ceux qui m'entourent, Fernand, dit en souriant le roi. Et à quelques exceptions près, je dois avouer que l'échantillon n'est pas à l'avantage de l'humanité. Soit que Fernand fût au fond du cœur de l'avis du roi, soit qu'il ne trouva rien à lui répondre, il garda le silence, et ses yeux, comme ceux de Don Pedro, se fixèrent sur la barque qui s'avançait vers eux, à chaque minute près d'être entraînée par le courant ou brisée par les arbres déracinés qui suivaient le fil de l'eau. Elle était montée par un homme de 40 à 45 ans, aux traits prononcés, mais franc et ouvert. Et chose remarquable, cet homme, au milieu du danger, ramait avec un calme et une égalité de mouvement qui indiquait un de ses courages froids, qu'ont en partage ses quelques âmes élues et vigoureusement trempées, qui, selon que Dieu les a fait naître en bas ou en haut de la société, font l'admiration d'un village ou d'un empire. Il s'avançait donc lentement, et cependant avec une adresse et une force telles que le roi Don Pedro, grand appréciateur de tous les exercices du corps auxquels il excellait, le regardait venir avec étonnement. Arrivé à quelques pieds du rivage, il s'élança sur le bord avec une sûreté et une élasticité toute montagnarde, puis, tirant la barque avec une corde jusqu'à ce qu'elle touche à la rive, il étendit la main vers elle, et d'un ton aussi simple que s'il ne venait pas de risquer sa vie. « Entrez, mes seigneurs, » dit-il en s'inclinant avec respect, mais sans humilité. « Et nos chevaux ?» demanda Don Pedro. « Que vont-ils devenir ?»« Ils vous suivront en nageant, mes seigneurs. » Et en leur tenant la bride courte, ce qui leur soutiendra la tête hors de l'eau, il n'y a pour eux aucun danger. » Don Pedro et Fernand firent ainsi que leur recommandait le montagnard, et effectivement, ils arrivèrent à l'autre bord à travers 1000 dangers, mais sans aucun accident, tant leur pilote avait déployé d'habileté et de force. Aussitôt eux et leurs chevaux prirent terre, et leur guide, marchant devant eux pour leur montrer le chemin, les conduisit par un sentier facile jusqu'à la cabane, qui depuis une heure faisait l'objet de leur ambition. Devant la porte, un jeune homme de 20 ans qui les attendait prit leurs chevaux par la bride et les conduisit vers un hangar. « Quel est ce jeune homme ?» demanda Don Pedro en le regardant s'éloigner. « C'est mon fils Manuel, monseigneur. » « Et comment a-t-il laissé son père s'exposer pour venir nous chercher tandis qu'il restait ici à nous attendre ?»« Sauf votre plaisir, monseigneur, » répondit le montagnard, « il était à Carmona, où je l'avais envoyé chercher quelques provisions, du moment que j'avais entendu pour la première fois le son de votre corps. » Car, sachant qu'il y avait eu aujourd'hui grande battue dans la forêt voisine, je me suis bien douté que vous étiez des chasseurs égarés et que vous arriveriez mourant de faim. Or, je voulais vous offrir quelque chose de mieux que ce que contient ordinairement la cabane d'un pauvre montagnard, et voilà qu'il vient d'arriver sans doute à l'instant même. S'il eût été ici, il n'eût point été vous chercher sans moi, ni moi sans lui. Nous y eussions été ensemble. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Don Pedro. « Juan Pascual. » « Pour servir votre seigneurie. »« Eh bien, Juan Pascual, » dit le roi, « je voudrais avoir beaucoup de serviteurs comme toi, car tu es un brave homme. » Juan Pascual s'inclina comme fait un homme qui reçoit un compliment qu'il sait avoir mérité, et indiquant de la main la porte de sa cabane, il invita les voyageurs à y entrer. Ils trouvèrent le couvert mis par les soins de la ménagère et un bon feu dans la cheminée. Ce qui prouvait que Juan Pascual avait pensé aux deux choses les plus importantes en pareille circonstance, au froid et à la faim. « Voilà, » dit Don Pedro en le jetant dans un coin de la cabane, « un manteau qui pèse bien 100 livres, et je crois qu'en le tordant, il rendrait assez d'eau pour donner une honnête question au digne Albuquerque s'il n'avait pris la précaution de se sauver à la cour de Lisbonne. « Si vous le trouvez bon, mes seigneurs, » dit Pascual, « je puis vous prêter, tant de ma garde-robe que celle de mon fils, des habits qui, bien que grossiers, vaudront mieux que ceux que vous portez et qui sécheront pendant ce temps. Si nous le trouvons bon, je le crois par Dieu bien, mon digne hôte, et c'est une de ces propositions qu'un chasseur trempé ne refuse jamais. Vite donc les habits, car je t'avoue que voilà un souper qui m'attire, et que je ne voudrais mettre que juste le temps nécessaire à mon changement afin de revenir lui dire deux mots le plus tôt possible. » Juan Pasquale ouvrit la porte d'une petite chambre où un lit était dressé et un feu allumé. Puis, tirant d'un bahut des habits et du linge, il les étendit sur un escabeau et laissa ses hôtes seuls. Les deux chasseurs commencèrent aussitôt leur toilette. « Eh bien, Fernand, » dit Don Pedro, « crois-tu que quand j'aurais dit mon nom, j'aurais été mieux reçu ?»« Le fait est, » répondit le courtisan, « que notre hôte aurait pu y mettre plus de respect, mais non plus de cordialité. » C'est justement cette cordialité qui me charme. J'ai souvent fait, dans mes excursions incognito, bon profit des avis que l'on a donnés à l'inconnu, jamais des louanges que l'on a faites au roi. Je veux faire causer ce brave homme, Fernand. Ça ne sera pas difficile, sire, et je crois d'avance que vous pourrez être certain de la sincérité de ce qu'il vous dira. Au reste, votre Altesse ne peut rien entendre que de flatteur. Ainsi soit-il, dit Don Pedro. Et comme la toilette était achevée, ils rentrèrent dans la salle où était servi le souper. « Eh bien, » dit Don Pedro, « qu'est-ce donc? Je ne vois que deux couverts sur la table. »« Attendez-vous quelques nouveaux compagnons ?» demanda Pasquale. « Non pas, Dieu merci. Mais vous et votre famille, avez-vous donc soupé ?»« Non, pas encore, monseigneur. Mais il n'appartient pas de pauvres gens comme nous de se mettre à la table de si nobles seigneurs. Nous vous servirons pendant que vous souperez, et nous souperons après vous. » « Par Saint-Jacques, brave homme !» s'écria Don Pedro. « Il n'en sera pas ainsi. Toi et ta femme, vous vous mettrez à table, et ton fils nous servira. Non pas que je veuille établir une distinction entre lui et nous, mais parce qu'il est le plus jeune et que c'est le devoir du plus jeune de servir ceux qui sont plus âgés que lui. Allons, Manuel, je te fais mon échanson et mon panetier. Acceptes-tu cette charge ?»« Oui, pour ce soir, monseigneur, » répondit Manuel, « et parce que vous êtes notre hôte. »« Comment ?» demanda Don Pedro. « Refuserais-tu, si elle t'était offerte, une pareille place près de quelque riche seigneur ?»« Je la refuserais. »« Près de quelque puissant prince ?»« Je la refuserais encore. »« Mais près du roi ?»« Je la refuserais toujours. »« Mais pourquoi cela ?»« Parce que j'aimerais mieux être le dernier des montagnards que le premier des valets. »« Diable, maître Pasquale !» dit Don Pedro en s'asseyant. « Tu m'as l'air d'avoir là un garçon diablement dégoûté. »« Je ne lui en suis, au reste, que plus reconnaissant. » de déroger aujourd'hui à ses habitudes. C'est qu'aujourd'hui, répondit Pasquale, vous êtes plus qu'un seigneur, vous êtes plus qu'un prince, vous êtes plus qu'un roi. Et que suis-je donc ? Demanda Don Pedro. Vous êtes notre hôte, répondit en s'inclinant Pasquale. Et cependant, au train dont vont les choses dans ce pauvre royaume de Castille, je serais parfois tenté de le croire. Et vont-elles mieux en Aragon ? Non, par ma foi, dit le montagnard. « Pèdre pour Pèdre, cruel pour cruel, Tibère pour Néron, il n'y a pas de choix. » Don Pedro se mordit les lèvres et reposa, sans l'avoir vidé, son verre sur la table. Fernand de Castro pâlit. « Allons, voilà que tu vas encore parler, » dit Juana, « lorsque tu ferais bien mieux de te taire. »« Laisse parler le père, » dit Manuel, « ce qu'il dit est bien dit. »« Oui, sans doute, » reprit le roi, « ce qu'il dit est bien dit. » Cependant, il devrait faire une distinction entre Don Pedro d'Aragon et Don Pedro de Castille, et ne pas oublier que si tous nomment l'un le cruel, quelques-uns appellent l'autre le justicier. « Oui, » répondit Pasquale, « avec cela que la justice est bien faite, et qu'il ne se commet à ses vies ni vol ni assassinat. » « Ceci n'est point la besogne du roi, maître Pasquale, c'est celle du primaire assistente. » « Alors pourquoi le primaire assistente ne fait-il pas sa besogne ?» Mais il ne peut connaître les auteurs de tous les crimes qui se commettent dans une grande ville. Il le doit cependant. Et si j'étais le roi Don Pedro, ce qu'à Dieu ne plaise, je saurais bien le forcer, moi, à les découvrir. Et comment ferais-tu, Pasquale? Je le rendrais responsable des vols, argent pour argent, et des assassinats tête pour tête. À cette condition, qui voudrait accepter une pareille charge? Le premier honnête homme venu, monseigneur. Mais par le temps qui court, dit en riant Don Pedro, sais-tu que c'est chose rare qu'un honnête homme ? C'est qu'on les cherche dans les villes, monseigneur, dit Manuel. Pardieu ! S'écria le roi, vous avez là, maître Pasquale, un garçon qui a plus de sens qu'on ne devrait en attendre de son âge, et qui, s'il ne parle pas souvent, toutes les fois qu'il parle, parle bien. Néanmoins, je voudrais vous voir, primaire assistente et mon hôte, car vous avez certainement la principale qualité que vous demandez pour une pareille charge. Vous riez, monseigneur, dit Pasquale. Mais si ma position m'avait mis à même d'occuper jamais une si haute place, je vous jure que je n'eusse reculé devant aucune considération, et que si je n'avais pu aller au-devant du crime, du moins, le crime commis, j'aurais poursuivi le coupable, si puissant qu'il fût, fût-ce un baron, fût-ce un prince, fût-ce le roi. Mais, dit Don Pedro, après un moment de silence et de réflexion, il y a de ces actions que le peuple qualifie de crimes parce qu'il voit les résultats et non les causes, et qui sont des nécessités politiques imposées à ceux qui règnent. « Cela va sans dire, » répondit Pasquale. « Il est évident que je n'irai pas demander compte au roi de l'exil de sa femme, de l'exécution du grand maître de Santiago, ni de ses amours avec la courtisane Padilla. Toutes ces choses sont dans les apanages du trône, et les rois n'en doivent compte qu'à Dieu. Mais je parle de ces vols à main armée qui ruinent en un instant toute une famille. Je parle de ces assassinats par l'épée ou le poignard qui ensanglantent toutes les nuits les rues de Séville. Je parle enfin de tout ce qui serait de ma juridiction, laissant au roi sa prérogative. Ces nobles seigneurs sont fatigués, dit Juana, qui voyait avec peine son mari s'engager dans une telle discussion. Et ils aimeraient mieux aller se reposer que d'écouter toutes tes folies. Tu as raison, femme, répondit Pasquale. Et ces messieurs m'excuseront. Mais lorsqu'on me met par hasard sur ce sujet, il faut que je dise tout ce que je pense. Et comme vous n'avez probablement pas tout dit, mon brave homme, ajouta Don Pedro, nous reprendrons un jour ou l'autre cette conversation, je vous le promets. Prenez garde, monseigneur, dit Pasquale, car c'est un engagement que vous prenez de repasser par ma pauvre cabane, et que je tiendrai avec plaisir si ton lit est aussi bon que ton souper. Bonsoir, mon hôte. Dieu vous garde, seigneur chevalier. Et faisant de la tête et de la main un geste d'adieu à Manuel et à Juana, le roi rentra dans la chambre avec Don Fernand et Castro. À peine furent-ils seuls que Juana continua ses reproches. « Vous pouvez vous vanter d'avoir fait là de belles besognes, Pasquale, » lui dit-elle en se croisant les bras et en le regardant en face. « Et que diriez-vous si ces seigneurs allaient répéter votre conversation au roi ? Mais je vous le demande, n'y a-t-il pas folie à parler du roi, des courtisans, des magistrats et de tous les grands de Séville comme vous l'avez fait ? Et que vous importe, je vous le demande, que le roi répudie sa femme, tue son frère et vive avec une courtisane ? Que vous fait que l'on assassine la nuit dans les rues de Séville, puisque vous êtes si bien en sûreté? Et d'où vous vient cette pitié pour ceux qui sont assez bêtes pour se laisser enlever leur coffre-fort? Et mon Dieu, occupez-vous de vos vaches et de vos récoltes, que vous conduisez à merveille, et ne vous occupez pas des affaires d'État auxquelles vous n'entendez rien. Mes femmes, dit Pasquale, parvenant enfin à placer un mot entre le flux de paroles qui l'inondait, ai-je dit autre chose que la vérité? « La vérité, la vérité. Vous croyez avoir tout dit, n'est-ce pas, quand vous avez lâché ce mot-là? Oui, vous avez dit la vérité, mais vous l'avez dite à plus grand que vous. Voilà où est la faute. Vous pensez qu'il suffit d'être honnête, de payer ses dettes, d'aller à la messe, d'ôter son chapeau à tout le monde, et qu'avec cela, on peut dire tout ce qui vous passe par la tête. Eh bien, Dieu veuille que vous n'appreniez pas à vos dépenses ce qu'il en coûte. Tout ce que Dieu voudra m'envoyer sera le bienvenu, femme. » dit Pasquale en embrassant Juana. Car, comme tous les caractères forts, il était une douceur extrême, et dans des occasions pareilles, il cédait le champ de bataille et se retirait dans sa chambre. La bonne Juana demeura un instant à grommeler dans la salle à manger. Mais comme il n'y restait que Manuel, et qu'elle savait que sous le rapport de la rigidité, le fils était l'enthousiaste de son père, elle ne se hasarda point à continuer la discussion avec lui, et au bout d'un instant, elle alla rejoindre Pasquale. Quant à Manuel, resté seul, il s'assit à la table que venaient de quitter ses hôtes et ses parents, ne mangea que d'un plat, ne but que de l'eau. Puis, après ce repas montagnard, il étendit une peau d'ours devant la porte de la chambre de ses hôtes, se coucha dessus et s'endormit. Le lendemain, au point du jour, le roi Don Pedro et le comte Fernand de Castro prirent congé de Juan Pasquale, en lui promettant qu'avant peu de jours, il entendrait parler d'eux.